Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va maintenant faire un tour en forêt. On le sait, la forêt est un pilier important de l'économie québécoise, mais on comprend aussi qu'on ne peut pas couper n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, si on veut que la forêt perdure avec toute sa biodiversité. Alors cet hiver, on a entendu quelques échos d'une bataille entre Papier Résolu, Greenpeace, la certification FSC, le maire de Saguenay, le premier ministre Philippe Couillard s'en est mêlé aussi, le chanteur Richard Desjardins est revenu à l'assaut également. Et finalement, il est fort difficile pour chacun d'entre nous de savoir ce qu'il se passe sur ces vastes étendues forestières que nous ne voyons pas. Alors, comment est exploitée la forêt? Est-ce qu'on parle de déforestation? Est-ce qu'elle est exploitée durablement? On en parle avec Jean-François Bourdon. Il est étudiant à la maîtrise en foresterie à l'Université Laval. Bonjour Jean-François. Alors tout d'abord, Jean-François, j'aimerais qu'on fasse une image un petit peu, qu'on donne quelques chiffres à nos auditeurs pour avoir une image un peu plus concrète de la forêt québécoise et de son exploitation. Donc est-ce que toute la forêt au Québec, du fleuve là, jusqu'au nord de la taïga, est-ce qu'elle est exploitable, est-ce qu'elle est exploitée? Non, justement, le Québec est vraiment immense. Là. On parle de 1,5 million de kilomètres carrés sur cette superficie-là. C'est environ la moitié qui est de la forêt, en fait. Et de cette forêt-là, c'est 50% seulement qui est de forêt publique et qui est sous aménagement. Donc, mm-hmm. on parle d'environ 320 000 km² qui est mm-hmm. sous exploitation. Donc, environ la moitié. Forêt qu'on peut voir. Mm-hmm. Et en fond, c'est la forêt qu'on va retrouver essentiellement au sud du 51e parallèle. Mm-hmm. Il y a une limite là qui suit pas parfaitement le parallèle, mais grosso modo, c'est autour du 51e parallèle et plus au sud qu'il y a de l'exploitation forestière. Et même dans cette partie plus au sud, j'imagine que c'est pas intégralement exploité. Il y a peut-être des endroits peut-être où il y a des parcs, je sais pas, des endroits où c'est difficilement accessible, où ça vaut pas le coup, je sais pas trop. Oui, bien effectivement, tout ce qui est parc, c'est des zones qui sont protégées, mm-hmm. donc ne seront jamais exploitées. Ensuite, il y a énormément de forêts privées. Ça, c'est une autre partie de notre forêt quand même assez importante. Là, on parle d'environ 100 000 km² mm-hmm. de forêts privées. Il y a une partie de ça où les propriétaires vont accepter qu'il y ait de l'aménagement. Donc, ils vont seulement vouloir consommer intégralement. Donc, il y a une partie de cette forêt-là également qui pourrait être exploitée, mais qui, bien souvent, mm-hmm. ne l'est pas nécessairement. Mm-hmm. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de zones, des parcs urbains aussi. Mm-hmm. Donc, il y a quand même beaucoup de zones qui ne sont pas nécessairement exploitées mm-hmm. dans le sud. D'accord. Et concrètement, en fait, annuellement, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'industries forestières qui se rendent sur place, qui coupent. Donc, il y a quelle superficie, quelle surface qu'on exploite annuellement? Annuellement, c'est moins de 1% de superficie qui est récoltée. Et en plus, il y a une petite nuance à apporter sur le fait que la superficie, on parle de travaux commerciaux parce qu'au sud, on va pas faire souvent des coupes qui sont totales où est-ce qu'on va récolter tous les mm-hmm. arbres sur pied. On va souvent aller par des trouées, faire du jardinage, littéralement. Donc, on va aller récolter un arbre ici et là dans la forêt. Donc, sûr qu'au sud, ça va moins paraître, même si la superficie mm-hmm. théoriquement récoltée, c'est pas tous les arbres qu'ils sont. D'accord. Alors qu'au nord, plus en forêt boréale, là, effectivement, ça va plutôt être des parterres de coupe de plusieurs hectares mm-hmm. qu'on va récolter d'un seul tenant. Mm-hmm. Donc, il y a une différence entre comment c'est récolté au sud et au nord. Mm-hmm. D'accord. Et comment ça marche concrètement quand l'industrie forestière veut aller quelque part pour couper? Qu'est-ce qu'elle demande et à qui? Historiquement, avec l'ancien régime forestier, donc des 20 dernières années, il y avait des territoires qui étaient considérés comme des CAF, où une compagnie forestière qui avait une scierie pouvait aller récolter X nombre de mètres cubes par année dans cette forêt-là qui lui était attribuée. Maintenant, avec le nouveau régime forestier qui a été mis en place avec la nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire forestier en 2013, il y a une partie de ces territoires-là qui sont conservés encore pour les compagnies forestières, sauf qu'il y a un 30% du volume qui, historiquement, ces compagnies-là avaient et pouvaient couper en forêt. Et maintenant, sur un marché libre du bois, c'est-à-dire que le gouvernement met aux enchères une certaine mm-hmm. partie donc de volume, et là, différentes entreprises peuvent aller miser donc sur ces lots-là pour aller récolter mm-hmm. par la suite. Et donc là-dedans, quel rôle le gouvernement joue? Comment est-ce qu'il supervise donc l'avancée des industries forestières dans la forêt? Puis également, il me semble qu'il y a un scientifique en chef aussi, un forestier en chef et aussi un scientifique. Oui, il y a aussi, autre chose. Donc il y a un forestier en chef. Donc quel est son rôle? Le rôle du forestier en chef, c'est à fond, ça fait seulement 10 ans, c'est en 2005 que ce poste-là a été créé par le gouvernement. Son rôle, c'est vraiment de calculer le volume de bois qu'on peut récolter en forêt sans compromettre, en fait, les générations futures. Donc, s'assurer qu'il y ait du bois à perpétuité en forêt. Donc, il va établir un volume récoltable par unité d'aménagement. Donc, le Québec est divisé en différentes unités. En tenant compte des perturbations naturelles, c'est-à-dire des épidémies d'insectes qui pourraient y avoir, des feux de forêt qui pourraient y avoir. Donc, il va établir un volume maximal à récolter par année. Pour donner un ordre de grandeur, par exemple, ces dernières années, c'est autour de 30 millions de mètres cubes qui pouvaient être récoltés en forêt. Et on a plutôt récolté environ 25 millions de mètres cubes là, pour différentes raisons. Donc ça, c'est à peu près ce qui se fait ces dernières années. Donc son rôle, oui, c'est de déterminer le volume, mais c'est également de recommander, c'est un peu indépendant, là, c'est aussi de faire des recommandations auprès du gouvernement sur l'état de la forêt également. Donc tout récemment, en fait, au début de la semaine, d'ailleurs, le forestier en chef a écrit une lettre parlant de l'état du caribou forestier d'entre autres, de si rien n'était fait pour modifier dans le fond, notre façon d'aménager la forêt, parce qu'à mon art, ben, cette espèce-là, on serait jamais en mesure de la conserver. Okay. Donc, il y a aussi un rôle d'aviseur un peu indépendant du gouvernement, du ministère des Ressources naturelles. Comme un gardien un petit peu des pratiques forestières. Oui, c'est un peu effectivement une sorte de gardien. Donc, il ne se fait pas nécessairement beaucoup d'amis au gouvernement, dans l'industrie. D'accord. Donc là, pour résumer, finalement, c'est lui, bon, puis j'imagine qu'il ne fait pas ça tout seul, il doit avoir une équipe. Oui, effectivement. Donc, il calcule quelle quantité de bois on peut sortir de la forêt en fonction de la capacité de régénération de la forêt pour assurer que finalement on ne la coupe pas plus qu'elle ne pousse. Exactement. Puis effectivement, comme vous l'avez dit, il fait pas ce travail tout seul, il y a des biologistes avec lui. Donc pour tout ce qui est des questions par rapport à la conservation de la faune, la biodiversité, il y a quand même une équipe de plus de biologistes, puis également des économistes pour l'aider à faire des prévisions à plus long terme. Donc ça, le but, c'est vraiment de s'assurer à ce qu'on puisse exploiter la forêt le plus longtemps possible, en fait, pour toujours. Là. C'est le but du développement durable, là, de pouvoir le faire tout le temps. Et donc, il va intégrer éventuellement dans ces calculs-là la science, les connaissances qu'on accumule par rapport à la biodiversité. Donc, si on veut maintenir le caribou, il faut peut-être faire attention à certains endroits, peut-être. Oui, bien effectivement, le caribou n'était pas nécessairement autant considéré dans le calcul avant que les maintenant dans les nouveaux calculs. Justement, la problématique, disons, le cas du caribou forestier, donc les mesures qu'on devrait mettre en place pour pouvoir le conserver, maintenant, c'est intégré un peu plus dans les calculs, et donc ça nous permet d'avoir une meilleure idée de ce qui est possible de récolter pour pas nuire, dans le fond, à la faune. Donc, comment l'industrie forestière, maintenant, tient compte de ces calculs-là, des quantités de bois qu'on peut sortir de la forêt? Le maillage se fait, là? Parce que chaque industrie forestière doit travailler un peu indépendamment les unes des autres sur leur territoire, là, j'imagine. Étonnamment, oui. Oui et non. Donc, il y a une certaine collaboration quand même qui se fait à l'intérieur des régions pour attribuer le bon bois à la bonne usine le plus possible. C'est-à-dire qu'une usine ne va pas nécessairement pouvoir exploiter toutes les essences forestières. Donc, elle, peut-être qu'elle sera juste intéressée à, mais, par exemple, le sapin, l'épinette. Mais peut-être qu'une autre entreprise dans la même région qui, elle, serait capable de prendre, par exemple, du bois au papier. Mais quand on va couper en forêt, ça se peut qu'on ait toutes ces essences-là ensemble. Donc, il peut y avoir certaines ententes quand même pour répartir le bois qui va être récolté pour avoir une meilleure utilisation de la ressource. Et le rôle du gouvernement, en fait, dans tout ça, mais particulièrement maintenant, avant, le gouvernement ne faisait seulement que entériner des plans d'aménagement qui étaient faits par les compagnies. Maintenant, il y a vraiment un rôle beaucoup plus actif où le gouvernement va carrément offrir un certain nombre de blocs, de territoires où les entreprises pourraient aller couper. Mais c'est vraiment lui qui va déterminer les endroits exactement spatialement dans la forêt. Ah, et ensuite, l'entreprise va pouvoir décider, je vais aller à tel endroit cette année, dans 2 ans, je vais aller à tel endroit. Donc, il y a maintenant le gouvernement a un rôle beaucoup plus actif dans la prise de décision sur les endroits où il va y avoir récolte. D'accord. Et pour déterminer ces endroits où les entreprises peuvent aller, est-ce que ça se fait en fonction des possibilités forestières, là, du calcul des quantités qu'on peut sortir? En fait, ce calcul-là... Comment le maillage se fait? Comment les industries savent qu'ils vont sortir le bois, la quantité de bois qu'ils ont le droit de sortir? Ça, c'est une grande problématique en foresterie. L'incertitude, disons qu'on fait beaucoup d'inventaires forestiers en forêt pour avoir une idée des essences, une idée des volumes qu'il peut y avoir. Sauf que toujours une imprécision, disons, reliée à cette prise de mesure-là, parce que c'est simplement un échantillonnage qu'on fait en forêt. Mais grosso modo, on est en mesure d'avoir différentes courbe qui nous permet d'avoir une relation entre la hauteur des arbres, par exemple, et le volume. Donc, on peut avoir, en faisant un bon inventaire, une idée relativement précise des volumes qu'on peut récolter de différentes essences en forêt comme ça. Et donc, ça, c'est, bien sûr, pour décider si on va récolter à un endroit, il faut que le volume soit commercialement rentable, il faut qu'il y ait un certain volume, mais également, il faut qu'il y ait une certaine consultation, disons, auprès de tous les utilisateurs de la forêt, parce que c'est un nouvel aspect dans le nouveau régime forestier, où il y a consultation obligatoire, c'est vraiment écrit dans la loi, de tous les acteurs de la forêt. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la loi, vous en parliez tout à l'heure, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Ouais. Donc cette loi-là s'assure que, bon, non seulement on va couper la forêt de manière à ce qu'elle repousse, elle se régénère correctement et que la biodiversité, c'est pas juste que les arbres poussent, mais il faut que toute la biodiversité se réinstalle. On veut pas juste une forêt monoclonale avec juste des épinettes, par exemple. C'est certain que chaque intervention en forêt va perturber le territoire et c'est l'histoire de se dire que ça va devenir comme c'était avant. C'est sûr que ce ne sera pas le cas. Mais ce qu'on vise à faire, c'est de diminuer le plus possible l'écart entre notre forêt aménagée et la forêt naturelle. Donc, c'est d'avoir vraiment des opérations forestières qui vont imiter le plus possible les perturbations qu'on va retrouver naturellement en forêt. Et on dit qu'en faisant ça, on devrait réussir à avoir la même biodiversité que s'il y avait une perturbation naturelle. C'est pas parfait, mais donc c'est la façon de faire pour avoir des opérations rentables. Donc il y a ça qui est inscrit dans la loi et aussi donc de tenir compte des autres utilisateurs, c'est-à-dire des cueilleurs de champignons. Ça peut être les cueilleurs de champignons, les chasseurs, les pêcheurs, les trappeurs. Les Premières Nations également sont consultées dans le cadre de ces enfin, on appelle ça des étapes d'étapes GIR, donc l'étape l'étape de gestion intégrée des ressources et du territoire, où il va y avoir donc tous les acteurs qui vont être réunis autour d'une même table, où les plans d'aménagement proposés vont être mis sur la table. On va en discuter. S'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce qu'un secteur X soit exploité parce qu'il y a une ligne de trappe justement à cet endroit-là, puis bon, ça serait pas bon pour l'espèce, il va y avoir une négociation pour voir si ou non la coupe se fait à cet endroit-là, si ça peut être fait ailleurs, si ça peut y avoir des aménagements. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites là. Et ça, avant, ça n'existait pas, ça, avant? Ça existait avant, mais disons que maintenant, c'est formel, c'est obligatoire, il doit y avoir consultation. D'accord. Et rapidement, pour revenir à la certification FSC, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Est-ce que ça va plus loin que la loi? À certains égards, oui. Disons qu'au Québec, on fait déjà énormément, justement, cette consultation-là qui est obligatoire. L'obligation également d'avoir une régénération après coupe, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi. On ne peut pas couper un endroit puis s'en aller puis jamais regarder en arrière. On doit faire un suivi puis s'assurer qu'il y ait la régénération suffisante pour avoir un peuplement mature éventuellement. Donc, la certification FSC oblige ça également. Là où elle va plus loin, entre autres, c'est au niveau des espèces protégées ou, entre autres, le cas du caribou forestier, la certification est plus exigeante. Et là, il y aurait, entre autres, peut-être dans la prochaine année, des nouvelles exigences par rapport aux vieilles forêts, où il devrait y avoir un certain pourcentage de vieilles forêts vierges, même, qui devraient être conservées. Et ça risque d'être sont compliqués pour le Québec, pour le Canada, parce qu'on a énormément de forêts qui n'ont jamais été exploitées, alors qu'en Europe, par exemple, toutes les forêts sont aménagées, il n'y a plus vraiment de forêts naturelles. Donc, à certains niveaux, effectivement, FSC va plus loin que la loi, mais à beaucoup d'égards, la loi est quand même déjà assez... c'est bien écrite, ça. Et ça, mais il y a quand même un gros pourcentage de forêts qui sont certifiées, je pense, au Québec. Oui, au Québec, en fait, le Québec, on est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de certifications forestières FSC. Parce qu'il y a d'autres certifications également. Il y a CSA et SFI aussi qui existent, qui ont des critères différents et qui, généralement, ont une moins grande reconnaissance internationale. Donc, c'est pour ça qu'on parle plus souvent de la certification FSC. Mais on a beaucoup de territoires qui sont certifiés FSC au Québec. Oui. Et il faut peut-être rappeler aussi que c'est une démarche volontaire de la part de l'entreprise forestière, c'est ça? Oui, c'est une démarche volontaire qui lui permet quand même certains avantages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchés internationaux qui exigent des certifications. Si vous allez dans un Rona, par exemple, ou un Home Depot, c'est certain que le Toolbook que vous allez voir qui est là va être certifié FSC. Donc, ça permet d'avoir accès à certains marchés qui autrement, donc on serait impossible d'avoir. Ben voilà qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc merci beaucoup Jean-François d'être venu à nos studios pour nous apporter un peu de lumière sur l'aménagement forestier. Donc je rappelle que Jean-François Bourdon est étudiant à la maîtrise en foresterie à l'Université Laval. Et si j'ai mentionné les cueilleurs de champignons, c'est parce que Jean-François travaille sur la morue du feu. Oui, la morue de feu, oui, qu'on retrouve entre autres en forêt boréale, dans les feux de forêt, oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Fébessa. On fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on part en Égypte à la rencontre des prêtres magiciens.